c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. On a toujours le temps de se faire un thé. Cette phrase, le chef étoilé Thierry Marx l'a entendue plusieurs fois dans la bouche des moines bouddhistes qu'il rencontre quand il se rend au Japon et qu'il se ressource dans les temples situés en pleine nature sur un massif montagneux non loin d'Osaka. On a toujours le temps de se faire un thé. C'est peut-être en s'efforçant de garder cette phrase à l'esprit que le chef cuisinier parvient à mener de front autant de projets tout en dégageant une grande sérénité. Responsable de la restauration de l'hôtel de luxe parisien Le Mandarin Oriental, il a également ouvert un restaurant au Japon, intervient dans les prisons pour transmettre son savoir-faire. On se souvient de lui dans l'émission Top Chef. Il a même cuisiné pour la Station Spatiale Internationale. Et ce ne sont là que quelques exemples des multiples activités de Thierry Marx. Et avec tout ça, notre chef étoilé trouve toujours le temps de voyager. Peut-être précisément parce que ses voyages lui donnent l'inspiration et la force pour mener à bien tous ses projets. On a toujours le temps de se faire un thé et même parfois de se poser pour bivouaquer. Aujourd'hui, Thierry Marx est notre invité. Jusqu'à 18h, il va nous raconter ses voyages et partager avec nous sa passion pour le Japon. Daniel Fievé sur France Inter. C'est incroyable cet endroit. Alors là, on dit que les Japonais sont les plus gros mangeurs de poissons. Bah, moi ici, j'en ai la preuve. C'est fou. Ici, c'est le marché au gros de poissons de Sapporo. C'est un endroit incroyable, vraiment. En fait, c'est la plaque tournante de tous les produits de la mer. C'est ici que convergent près de 2000 espèces. Et ensuite, elles sont redispatchées dans tout le Japon. Un extrait des nouveaux explorateurs de Canal+, avec Fred Chénaud. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Cette ambiance de marché japonais, d'ailleurs je crois que ce marché-là a fermé depuis. Oui. Ça doit vous rappeler des choses. Oui, bien sûr, c'est une ambiance très particulière. En plus, le marché de Tsukiji était un marché très ancien, donc on avait gardé toutes les marques du passé, cette petite cabine où les et puis la confiance qui ne se voit pas, mais vous ne pouviez pas acheter où vous voulez au marché du poisson parce que c'était réservé à certaines élites. Certains marchands de sushi avaient leurs fournisseurs et ces fournisseurs s'interdisaient de vendre à d'autres les poissons qu'ils vous réservaient. Donc c'était une ambiance très particulière. Vous aviez vos fournisseurs à qui vous faisiez confiance. Le quartier de Tsukiji s'est modifié, le marché a changé de place, mais j'ai gardé mes fournisseurs. La confiance est quelque chose de très long terme au Japon. Vous ne changez pas facilement de fournisseur et réciproquement, le fournisseur ne change pas facilement de client. Donc, j'ai gardé mes fournisseurs. Si vous deviez citer une odeur, une saveur qui évoque pour vous le Japon, ce serait quoi ? Le katsuobushi. Le ventre séché de poisson. Là, c'est un parfum très particulier, à la limite du fumé. Ce sont des ventres de bonite séchés, la partie grasse de la bonite. Et ça sert à faire des bouillons. Moi, j'aime bien cette saveur d'umami avec de l'algue kombu, comme on dit, et ça fait un bouillon, ce qu'on appelle la cinquième saveur, ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer, c'est l'umami. Et c'est vraiment un produit signature du Japon qui marque bien l'esprit japonais, presque la cuisine à la température de l'eau du thé. Ouais. 80 degrés pour la température de ce bouillon. Oui, à gradient descendant. Ouais. Alors, ça se boit dans la rue, dans les Alors, restaurants. Alors, ça se boit maintenant évidemment dans la rue avec des formules des fois qui sont un peu trop cheap, mais il y a aussi les grands restaurateurs qui montrent leur savoir-faire au niveau de ce bouillon et qui ont chacun, en fonction de la sauce soja qu'ils utilisent, une forme de signature qui leur est extrêmement attribuée et ça fait des bouillons d'auteur presque. Ah ouais. Comment s'est passée votre première rencontre avec le Japon? Je crois que c'était en 1988. Comment un peu avant, d'abord c'était grâce au judo. Ouais. Donc c'était l'école Kodokan à Tokyo, mais ça a été très furtif, à peine une semaine, et puis retour dans l'avion. Et je me suis dit, c'est là. Et puis la première image du Japon que j'avais, c'est une image fantasmée de mon enfance. 12-13 ans, je m'intéresse au kung-fu. Bizarrement, c'est la mode dans les cités de s'intéresser au kung-fu. Je vais dans un cinéma à Paris, je vois des idéogrammes, je pense que c'est un film chinois. C'était la trilogie samouraï de Negaki. Et je tombe en admiration devant ce film de 3 heures. Et je n'ai eu de cesse que de m'intéresser à la vie des samouraïs, à l'idéaliser, à la fantasmer un petit peu. Mais ce film était magique. On devait être 3 dans la salle. Ça intéressait personne. D'ailleurs, à un moment donné, le film était monté à l'envers, mais et on voyait le moine Tekwen qui remontait dans l'arbre. Mais c'est ce que raconte souvent Pierre Delorme, et ça arrivait très souvent. Et puis, je suis tombé amoureux du Japon d'abord par une idée fantasmée, et puis effectivement, quand j'ai rencontré, grâce à l'école Kodokan, le Japon, je me suis dit c'est là. Ouais. Alors je l'idéalise pas, mais je me dis c'est là, ça correspond à mon trait de caractère. Oui, c'est ça. Alors on reviendra évidemment à cette philosophie, à cet état d'esprit du Japon qui vous va si bien dans la suite de cette émission. Mais précisons que vous aimez voyager, et bien avant même le Japon, vous avez aimé bourlinguer. Je crois que vous avez commencé à voyager à l'âge de 15 ans, très jeune. Oui, vous étiez dans une famille qui ne roulait pas sur l'or, hein, du côté Ménilmontant. On vient d'une extraction sociale très modeste, et je n'avais de cesse pas tant de quitter le quartier de Ménilmontant qui m'a peut-être donner le goût du voyage, parce qu'il y avait la rue du Japon, la rue du Cambodge, la rue de la Chine, tout ça, ça m'inspirait beaucoup. Mais à 15 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour partir de cette cité du Val-de-Marne dans laquelle j'étais, qui me paraissait d'une austérité incroyable, où on nous avait parqué là, et je me disais, faut que je parte, je n'avais que ça en tête. Donc le premier voyage, c'est 14 ans, c'est un train à la gare d'Austerlitz, un sac à dos, et l'envie de vouloir m'embarquer sur un cargo au Portugal. Donc j'arrive dans le port de Lisbonne. Évidemment, personne n'a pris ça au sérieux. Et le type m'a foutu dehors du bateau. Il m'a dit, mais c'est impossible, ça n'arrive pas, parce que je voulais partir au Zaïre. À l'époque, on appelait ça le Zaïre. Et j'avais lu ça quelque part. Du coup, je suis resté à bourlinguer pendant un mois entre Lisbonne et entre Lisbonne et Faro, qui était le sud du Portugal. Et puis j'ai décidé, quand il y avait vraiment plus rien dans le porte-monnaie, de rentrer avec un train qui a été extrêmement chaotique entre Lisbonne. Et puis on passait encore la frontière avec les gardes, les gobelous et espagnols de l'ancienne époque de Franco. Et puis voilà, ça m'a donné le goût du voyage, et surtout le goût de partir de ce quartier que je n'aimais pas finalement. Alors il y a eu d'autres expériences à l'étranger marquantes, hein, même parfois dures et difficiles. C'est le cas du Liban, hein, première expérience. En tant que militaire, là c'est la guerre quand vous vous rendez au Liban. Oui, c'est une expérience... C'est drôle parce que on n'arrive jamais à en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Mais c'est une, je me rappelle des odeurs de caoutchouc brûlé, je me rappelle du bruit, du vacarme, de l'apaisement et puis de la vie à tout prix. Et c'est drôle parce que nous on était dans ces quartiers et on voyait des gens qui souffraient de ces mouvements. On avait affaire à des gens comme vous et moi, et puis tout d'un coup on savait pas pourquoi ça devenait des combattants, et la ville se déchirait, tout d'un coup un immeuble s'ouvrait en deux, et voilà, j'ai gardé ça à l'esprit, je suis rentré, et pendant des années ces images me hantaient d'immeubles en noir et blanc dans mon esprit, et de voir ces immeubles qui s'ouvraient en deux, parce qu'ils étaient attaqués en général, et puis la vie reprenait 2 heures après. Et on voyait des cordes à linge entre deux bâtiments éventrés, mais la vie à tout prix, quoi. Et évidemment, je vous dis ça à 60 ans, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ces instants-là. Alors quelques années plus tard, c'est en Australie cette fois que vous vous rendez. Qu'est-ce qui vous conduit en Australie? Ça part encore de 3 fois rien. Et le baccalauréat. Je passe mon baccalauréat en candidat libre, j'ai 25 ans, je me dis je serai jamais dans les bonnes cases en France finalement, on m'a signé toujours soit au quartier, soit à mon parcours, soit à mes échecs scolaires, soit un tas de choses. Là je réussis le brevet des collèges, et puis grâce à des professeurs bienveillants au lycée Hélène Boucher, on réussit le baccalauréat, on est un petit groupe, je me dis c'est quoi loin, je regarde sur une map monde parce qu'il n'y avait pas tous les outils numériques actuels, et je me dis l'Australie c'est loin, je reçois un magazine qui s'appelle Migration, et il y avait un poste à l'hôtel Régency. Et ce qui était bien avec le loin, c'est qu'on ne s'occupe pas de vos passés, on s'occupe juste de ce que vous savez faire. Et quelles solutions vous pouvez apporter à l'entreprise ? C'était l'Australie, et ça a été un révélateur fort, parce que j'avais vraiment l'impression d'être au bout du monde. Vraiment. Alors, au bout du monde. Quand vous arrivez en Australie, Thierry Marx, c'est déjà avec quand même une connaissance de la boulangerie, de la pâtisserie, oui, pas encore vraiment de la cuisine comme... Pas du tout, j'arrive avec une connaissance parce que j'avais un parcours de pâtissier, donc je me fais embaucher comme boulanger pâtissier, je faisais que des pains de mie d'ailleurs, c'était pas terrible, je faisais que des pains de mie et puis je vivais dans une Salvation Army. Donc c'était des collectifs, hein. C'est l'armée du salut, quoi. C'est l'armée du salut, oui. Et donc c'était des voilà, comme ça, c'était assez modeste. Mais en même temps, il y avait un lit métallique et une Bible. Je me rappelle toujours de ça. Et puis je voulais absolument louer une chambre. Et mon chef, qui était là, qui était mon exécutif, me dit bah, si tu veux louer un appartement, il faut au moins 2 salaires. Et il m'a dit bah, si t'es français, tu connais la cuisine. Et là, j'ai totalement improvisé. J'ai bluffé. J'ai bluffé, j'ai triché. On ouvrait les huîtres en les plongeant dans l'eau chaude. C'est-à-dire que vous avez commencé comme mauvais cuisinier, en tout cas mauvais. J'ai commencé comme très mauvais cuisinier, mais le fait d'être français, ces gens m'accordaient un crédit. J'essayais de recopier des trucs mais je ne comprenais pas le quart de ce que je recopiais. Donc, à un moment donné, j'ai trouvé que la cuisine me rapprochait des autres. Or que le reste m'avait beaucoup éloigné des autres. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France pour passer un CAP. Oui. Parce que, mine de rien, même si vous improvisez un peu et c'est fait pas forcément dans les règles de l'art, vous y prenez goût à cet art de la cuisine. C'était étonnant parce que je devenais chef sans être chef. Parce que les gens me disaient, on voyait sauce hollandaise, par exemple. Tu sais faire. Enfin, j'allais aux toilettes, je recopiais une recette, j'essayais de faire, qu'elle soit loupée ou pas loupée. D'ailleurs, je me suis aperçu plus tard, en apprenant à le faire en France, que je leur servais que des sauces qui étaient ratées, mais ils les considéraient bonnes parce que c'est un Français qui les faisait. Ouais. Vous voyagez encore beaucoup aujourd'hui, Thierry Marx? Oui, beaucoup, trop professionnellement. On a moins le temps de se poser, mais je fais encore de nombreux treks. J'aime beaucoup le trek, c'est-à-dire que ça me permet d'aller en immersion dans pas mal d'endroits. Donc j'aime la jungle, donc je fais beaucoup ça sur la Birmanie, évidemment le nord de la Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge. Hélas, les vagues touristiques arrivent de plus en plus, c'est très difficile de s'éloigner maintenant. Et du coup, pour pouvoir approfondir un peu mes treks, eh bien je me suis mis au cheval. Je suis pas très doué, mais au moins ça m'éloigne un petit peu des flux touristiques. Alors il y a le cheval, hein, ça c'est nouveau, et la gastronomie, la cuisine, est-ce que c'est un bon moyen d'approcher un pays et sa culture? Ah, complètement, c'est le meilleur moyen de rentrer, d'ailleurs notamment dans la street food, vraiment c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec les autres, d'avoir de la proximité, des arômes, des odeurs, la nourriture du quotidien, et ça vous fait découvrir un peuple, une civilisation, et puis partager des moments forts. Moi, j'ai vécu ça en Corée, j'ai vécu ça dans énormément de pays où, dans cette street food, on retrouvait des émotions extrêmement fortes et des fraternisations extrêmement intéressantes. Ouais. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, on peut vous croiser au détour d'un marché, dans une rue, en train de manger de la street food aux quatre coins du monde, bien seul. Et encore récemment, j'habite le quartier de Shinokashimachi au Japon, près de Ueno, et il y a un petit marché où quasiment, je fais petit déjeuner et dîner dans cet endroit, sous les tentes, là. Et je suis pas des fois, je suis pas d'avis sur ce que je mange, parce que des fois, toujours, j'arrivais pas à traduire, et mon collaborateur me dit, ah, mais c'est très bon, c'est des tripes de poulet. Je suis végétarien, je suis un peu surpris. Vous allez nous emmener par les papilles à la découverte du Japon et de sa culture dans un instant. Le chef Thierry Marx est avec nous, le temps d'un bivouac très zen sur France Inter. Vous avez reconnu, c'était le point sonneur des Lilas, mais en japonais, chanté par Kenzo Saeki. Voici le Daimon, l'entrée du monastère de Koyasan. C'est la frontière entre le monde sacré, derrière la porte, et le monde normal, de ce côté-ci. C'est un sanctuaire qui a été érigé par Kobo Daishi. En une année, on reçoit à peu près 1 million de visiteurs. Kobo Daishi a dédié ce site de Koyasan à la prière pour le bonheur de tout être vivant, quel qu'il soit. De tous ces temples bouddhistes, c'est celui que Kobo Daishi Kukai a fait construire en premier. Aujourd'hui, le monastère compte 117 temples, mais à l'époque Edo, il y a 200 ou 300 ans, il y avait plus de 1000 temples. Un extrait de l'émission Échappée Belle de France 5. Nous étions dans un des nombreux temples du mont Koyasan au Japon, au sud-est d'Osaka. Vous connaissez très bien l'endroit, je crois, Thierry Marx. Oui, très très bien. J'ai logé au mont Koyasan et j'ai appris beaucoup de choses, de la méditation notamment. Et puis, moine bouddhiste un jour me disait, c'est dans cet endroit qu'on s'aperçoit que tout n'est que vie. Finalement, quand on marchait sur les feuilles de cette forêt, on disait, tu vois, tout vit, tout se dégrade et tout redevient vie. Et je trouvais ça intéressant et extrêmement fort pour prendre conscience que cette planète ne doit être que de la vie et de la vie positive. Donc je trouvais que ce mont Koyasan, quand vous y êtes au printemps, mais au début de l'hiver aussi, quand vous traversez ces petits cheminements et que vous arrivez au dernier temple qui est éclairé uniquement par des bougies et vous voyez les petites pointes de fumée encore de l'encens, vous dites qu'il y a une spiritualité extrêmement forte qui fait du bien finalement à l'âme et à l'esprit humain. Ouais. C'est cette spiritualité hein, qui vous convient et qui vous attache à ce pays. Oui, parce que j'ai trouvé une concentration de spiritualité. C'est-à-dire que quand j'expliquais cette forêt du mont Koyasan, je l'explique toujours par effectivement ce que j'ai appris de dire tout n'est que vie. Une feuille tombe d'un arbre, elle se dégrade, elle sèche, mais elle crée de la vie autour d'elle. Tous ces écosystèmes de vie qui font que la vie sur cette planète est extrêmement intéressant. Ouais. Ce lien à la nature, très fort, à la vie que l'on trouve chez ces moines, on le retrouve aussi dans votre cuisine. Finalement, ça a inspiré aussi votre façon d'imaginer la cuisine. Oui, c'est indissociable. C'est-à-dire que dans la cuisine, qu'est-ce que c'est ? C'est je me souviens d'un professeur au Japon qui me disait « La cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Coupe juste, goût juste, gestion de son plan de travail, le feu, l'intensité du feu. » Ni trop fort, ni trop faible. Et puis le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. Et puis, quelques années après, en le revoyant, il me dit « Oui, j'ai dit ça et je l'ai écrit. » Mais je crois aussi que le cuisinier doit donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. C'est ce qui nous permet de donner de la mémoire à de l'éphémère. Et j'ai gardé ça comme un satori, finalement, une espèce de quelque chose qui est ma voie d'épanouissement au travers de la cuisine. Alors on retrouve ce lien à la nature dans la cuisine japonaise et notamment dans la cuisine kaiseki. Oui. Je prononce bien. C'est quoi? Le kaiseki, c'est vraiment une observation de la saisonnalité du produit là, au moment, à l'instant où il est prêt à être consommé, et justement de lui donner sans artifice un confort de dégustation tout en restant au plus près du goût originel du produit. L'eau a son importance, donc l'eau dit le bouillon, le jeu de texture et de température donne de l'émotion, et effectivement donne de l'émotion à de l'éphémère. Et c'est ce qui est intéressant, il y a un rythme de 9 ou un rythme de 13 plats, et effectivement, à la fin, on est dans le même esprit que ce qu'aurait pu dire d'ailleurs, ce qui a été écrit dans l'Antiquité grecque, plaisir, bien-être, santé. Et c'est tout le cheminement de la cuisine japonaise, mais c'est aussi, normalement, tout le cheminement de la cuisine occidentale, où on s'est un peu perdu dans des surconsommations à un moment donné. Et alors le Japon inspire votre cuisine, pas tant pour y incorporer des ingrédients exotiques, on l'a bien compris, hein, c'est davantage la philosophie, l'esprit, le geste qui vous inspire. Un exemple de mets japonais qui demande de la maîtrise et du savoir-faire, les sushis. Le sushi a été créé il y a 200 ans. Il s'agit d'une recette simple, composée de riz, sur lequel on dépose un morceau de poisson, auquel on ajoute du wasabi et la sauce soja. Mais on y retrouve une forme de raffinement japonais, comme dans l'art zen ou le théâtre no. C'est un état d'esprit où l'on retire tout le superficiel. On retire pour ne garder que ce qu'il y a de plus simple et valoriser l'essentiel. La recette est extrêmement simple, mais le fait de mâcher mélange le goût du poisson et du riz dans la bouche. Et c'est la variation subtile de ces saveurs qui font tout l'intérêt du sushi. Thierry Marx, tout un art hein, de découper ce poisson dans le bon sens, à la bonne épaisseur, de cuire le riz à la bonne température. Alors c'est très intéressant ce que ce monsieur évoque, parce qu'effectivement le sushi est un art. La température du riz, la température du poisson. En fait, pour apprendre ça, il faut essayer de... On connaît le poisson tué par Ikejime, tué sans souffrance finalement, et de couper un morceau dans l'instant de ce poisson. Quand vous le goûtez, il a cette température post-mortem. Le sushi, sa température, et le fait de poser le poisson dessus, va ramener ce morceau de poisson à la température post-mortem. Ce qui va faire qu'à la mâche, vous n'avez pas de résistance exagérée, et vous avez ce jeu de texture et de température qui finit par vous donner une subtilité de saveur absolument intéressant. Et puis, il y a le geste pour faire le sushi, mais il y a le geste de la découpe, vous l'avez évoqué, pas trop fin, pas trop épais, et en fonction. Et quand vous voulez tester un très bon sushi, il faut tester le poulpe. Ah oui. Et le poulpe cru, je peux vous assurer que quand vous avez dans un sushi-san qui vous fait du poulpe, c'est qu'il a déjà un niveau de compétence très très élevé. Mais alors, le vrai sushi du Japon, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le sushi qu'on mange dans un resto japonais en France ? Il s'est hybridé dans les restaurants français, il s'est adapté à la culture française, mais... On a dit 200 ans, époque Edo, un peu plus même. D'abord, on mangeait aussi beaucoup de sushis cuits ou de produits. On ne transportait pas beaucoup le poisson. Donc, il y avait le sushi de l'époque Edo Mae. Donc, effectivement, le sushi a conquis la planète en pensant que c'était un produit de régime quand même au départ. Et puis, en fonction de ça, la proximité des produits et puis l'accessibilité des produits a fait qu'on a modifié un petit peu et qu'il y a des sushis faits au Japon qu'on ne retrouve pas forcément en France. J'avais rarement vu, par exemple, du sushi fait avec du saumon. Ouais. J'ai vu ça en France seulement. D'accord, oui, on a réadapté, réinterprété. Oui, et pourquoi pas, c'est aussi ça, de travailler avec la proximité des produits que nous donne la nature. Ouais. Il y avait une autre idée intéressante dans ce que nous disait ce maître de l'art du sushi. C'est l'idée qu'on enlève, on enlève, on enlève jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est très japonais ça, cette idée que la perfection, on l'obtiendra en épurant. Alors, c'est très japonais, mais on l'obtient de plusieurs façons. On l'obtient en ne laissant pas de place au hasard. On l'obtient par le respect du produit, c'est-à-dire qu'on enlève, oui, mais on ne gâche pas. C'est-à-dire que s'il y a bien un pays où vous apprenez à donner de la valeur ajoutée à un produit, c'est le Japon. On considère que l'épluchure a un intérêt, que le cœur du produit a un intérêt, que le côté du produit a un intérêt, le poisson c'est la même chose. Vous faites l'école hôtelière en français, en France, on va vous dire, dans un bar, il y a 70% de pertes. Au Japon, on vous dit non, il y a zéro perte dans un poisson. Les viscères du poisson servent à quelque chose. D'ailleurs, nos anciens le savaient, en France aussi. On appelait ça les simples de la mer. La tête, on en fait des caboutots d'hachis. Les arêtes, on en fait quelque chose. Les ventres, le dos. Et chaque partie a une valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment dans la culture japonaise d'apprendre à faire simple, bon et donner de la valeur ajoutée à des produits. Alors parfois il y a quelques exceptions, il y a certaines parties du poisson qu'il faut parfois savoir éviter. Ce souci d'ailleurs du geste juste semble parfois pousser à l'extrême pour certains poissons. Une mauvaise découpe peut rendre le plat fatal. En japonais, il se nomme fugu. C'est un poisson bizarre. Il cligne des paupières, il n'a pas d'écailles, quand il a peur, il se gonfle. Il a surtout une particularité redoutable. Il contient de la tétratoxine, un poison foudroyant. Sa chair est pourtant si délicieuse que les gourmets japonais, au péril de leur vie, ont sacré le fugu mortel, roi des poissons. S'il y a des morts ? Oui, parfois il y a des morts. Mais quand on mange, on n'y pense pas. C'est tellement bon. Le fugu a un goût discret, délicat. Il y a énormément de variétés. Et on peut le déguster de différentes façons. C'est ce qui me fait aimer le fugu. On l'a compris, c'est un poisson qui a l'air délicieux, mais il y a une sorte de petite glande pleine de poison qui, si on découpe mal, peut rendre le plat complètement toxique. Alors, c'est anecdotique cette histoire de poisson fugu ou c'est emblématique de... On en a fait une anecdote et un emblème d'un poisson dangereux, mystérieux. Donc c'est vrai que c'est un poisson qui contient un neurotoxique et qui est extrêmement fulgurant en termes d'empoisonnement. Mais la saveur, la texture du poisson cru est un goût, pas vraiment un goût d'ailleurs, c'est vraiment la texture qui est exceptionnelle et les viscères, certaines parties des viscères se cuisinent. Alors j'ai eu la chance de participer plusieurs fois à des dégustations et des découpes de fugu, c'est vrai qu'il faut être très spécialisé. Et la dernière histoire d'empoisonnement de fugu, si je remonte, elle est très ancienne, elle est dans le siècle passé et c'était dans le cadre d'un suicide. Quelqu'un qui a volontairement, après, c'était un acteur du théâtre No, et il s'est suicidé comme ça, dans ce poisson, avec ce poisson et ce poison sublimé par le Japon. Mais c'est un poisson qui, évidemment, le fait qu'il puisse vous tuer, vous procure une espèce de désobéissance aux lois de la nature. Ouais. On a l'impression de prendre un peu un risque, en fait, quand on mange ce plat. Oui, et puis d'aller chercher. C'est très lié au Japon, c'est d'aller chercher la saveur ultime, le combat ultime. Et ça, je trouve que ça rentre bien dans la culture japonaise. Ouais. Alors, vous avez ouvert un restaurant dans ce pays, vous y allez régulièrement tous les deux mois, vous y faites aussi des retraites, on l'a dit, dans ces temples. Lorsque vous avez ouvert ce restaurant, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire lorsque l'on ouvre un restaurant dans un pays dont on ne connaît pas la culture, il faut s'adapter, on veut surprendre, on veut respecter des codes, comment ça se passe? Alors, je connaissais un petit peu le fonctionnement japonais. C'est un pays où on laisse pas de place pour le hasard. C'est-à-dire que on n'aime pas trop ne pas anticiper les choses pour que les choses soient réussies. Donc ça, c'est plutôt confortable en termes de culture. C'est exigeant, mais c'est confortable. Et puis, on venait me chercher pour que je fasse un produit français. Et je crois que là, je pouvais montrer un petit peu ce que je savais faire. Et les Japonais m'ont fait confiance. Mais ils ont horreur du hasard, donc il faut vraiment anticiper les choses, préparer les choses correctement, et pas se dire, comme on a tendance à se dire des fois chez les Occidentaux, on ça ira comme ça. Non, là il faut 305 jours par an que le produit que vous avez proposé à vos clients remplisse la promesse que vous avez faite aux clients. Et ça, c'est non négociable. Il n'y a pas de place, peu de place pour l'erreur. Alors, vous veniez pour apporter la cuisine française. Est-ce que vous avez quand même métissé avec les produits locaux? Est-ce que vous avez ajouté des saveurs locales? Alors, j'ai ajouter bien sûr des saveurs locales, mais je me suis surtout appuyé sur les produits locaux. C'est-à-dire qu'il y a des poissons exceptionnels, des fruits et des légumes exceptionnels. Et j'utilise évidemment ces produits exceptionnels pour faire ma cuisine dite française. Mais bien sûr que j'utilise pas forcément le bar, mais je vais aller sur du chinchard ou des choses comme ça qu'on trouve pas mal au Japon. Les maquereaux, les sabas que j'adore, je les fais mode française, mais évidemment tous les ingrédients que j'utilise sont japonais. Alors vos séjours au Japon et puis en Asie plus généralement vous ont détourné de la viande. On l'entend, il y a beaucoup de poissons, mais par contre les viandes oui. Autres. D'abord, c'était un produit que je n'aimais pas vraiment étant enfant, la viande de bœuf par exemple. Je n'étais pas fan de ce produit et puis il fallait en manger beaucoup. Nos familles avaient été souvent privées par la guerre. Moi je me souviens, mes grands-parents disaient mais nous on n'en mangeait pas. Alors il faut en manger. Ouais. Cornet de bœuf, votre grand-mère c'était cornet de bœuf. Oui, alors il fallait en manger beaucoup, donc j'avais vraiment aimé ça. Et puis effectivement d'avoir vécu assez longtemps en Asie, de faire des longs séjours comme ça. Ça, d'abord c'était très cher, au Japon la viande est plutôt chère. Et du coup je me suis éloigné du produit de la protéine animale et j'ai consommé du végétal jusqu'à aller réapprendre la cuisine des légumes et au Japon et en Inde avec la cuisine ayurvédique. Et là, j'ai redonné une dimension à la cuisine plus végétale. Et aujourd'hui, dans mes restaurants, on est plutôt 80-20, 80% de propositions végétales et 20% de protéines animales. Qu'est-ce que vous avez appris en Inde, justement ? La cuisine ayurvédique. Ouais. Là aussi, une approche très respectueuse du produit, donner du relief au produit et surtout une vraie connaissance de la cuisine du légume. En France, on fait tout bouillir, on avait tendance à faire tout bouillir. Là, il y avait une caramélisation des légumes, on snackait des légumes et puis des curry frais, des choses comme ça, qui me permettaient de donner du relief et de dire mais T'es sûr qu'il n'y a pas de viande dedans? Mais ouais. Non, il n'y a pas de viande dedans et c'est simplement des légumes. Et ça, c'était vraiment un plus dans ma cuisine. Le chef cuisinier Thierry Marx est l'invité du Temps d'un Bivouac. Il va nous emmener encore plus loin dans la dernière partie de l'émission. Cuisine du futur et cuisine extraterrestre au menu de nos discussions à venir. Bivouac sur France Inter, Daniel Fievé. C'était Come to Atlanta, Five Webster. Ah, je t'ai trouvé quelque chose. Ah, non, non, non, non, et non. Crache-moi ça tout de suite. Oh, il faut que je fasse toute ton éducation. Ferme les yeux. Alors, prends une bouchée de ce. N'avale pas ça comme ça, voyons. Trop tard. Oh. tu mâches doucement et tu te concentres sur le goût. Alors, tu sens ? Pas vraiment. Ce goût de crème douce amère, cette pointe de noisette légèrement piquée. Tu sens tout ça ? Oh, il n'y a pas que la noisette qui est piquée. Ferme les yeux. Et maintenant, goûte-moi ça. C'est tout à fait autre chose, hein ? Subtil, croquant, un peu plus corsé sur la fin. D'accord. Maintenant, essaie les deux ensemble. D'accord. Je crois que je commence à sentir un petit quelque chose. Oui. Le petit goût de noisette. Tu vois ? Un peu corsé. Voilà. Maintenant, imagine toutes les saveurs qu'il y a dans le monde, les possibilités infinies de combinaisons que personne n'a jamais essayé, tout ce qu'il reste à découvrir. Attends. Non, j'ai perdu. Aïe, aïe. Un extrait de Ratatouille. Vous avez vu ce dessin animé, oui. Thierry Marx ? Oui, bien sûr. Il parle bien du goût, des saveurs. Oui, et de la concentration, de la pleine conscience de ce qu'on déguste, de prendre du temps, de ce que c'est de se restaurer et pas de se goinfrer. Ouais. Non, c'est très intéressant. Et d'abord, je trouvais que c'était un film aussi très pédagogique, au-delà du divertissement que ça pouvait procurer. Je trouvais que c'est un film très pédagogique. Vous aussi, vous l'êtes pédagogique, vous parlez de cuisine aux enfants dans votre livre « Quand ça va, quand ça va pas », leur alimentation expliquée aux enfants et aux parents, paru chez Glénat Jeunesse. Alors il s'agit d'apprendre aux plus jeunes à bien manger, dans tous les sens du terme, à la fois de déguster, de savourer, puis aussi de façon équilibrée. Et il y a d'ailleurs aussi un chapitre dans votre ouvrage qui aborde la diversité des produits et des cuisines selon les pays. Vous parlez de l'harissa pour les pays du Maghreb, des pommes de terre du Pérou, du kimchi coréen. C'est quoi le kimchi ? Le chou fermenté, qui donne un goût très spécial, très piquant d'ailleurs. Hein. C'est très très bon, même très bon pour la santé d'ailleurs, parce que le chou est plutôt un produit détoxifiant et fait à la coréenne avec ses piments rouges, là, c'est délicieux. Alors, c'est pas vraiment pour les enfants, mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre très tôt aux enfants à cuisiner, parce que ça va leur donner une mémoire des produits, mais aussi une mémoire des saveurs. Et puis, bien sûr, qu'à l'adolescence, bien souvent, il y a quelques dérives qui s'annoncent, mais c'est pas très grave, dès lors qu'on a construit des fondamentaux. Parce que, évidemment, mal se nourrir, ça a des conséquences à long terme. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut redonner cette possibilité dès la petite enfance, je parle d'entre 6 et 10 ans, de pouvoir aller à des cours de cuisine, parce que c'est quand même l'acte de cuisiner qui va vous donner le plus de mémoire, le faire pour apprendre. Et puis pour apprendre à rencontrer l'autre aussi, parce que vous détaillez des pratiques culturelles du repas dans tous les pays. Alors vous parlez de la Chine, où on pense que les aliments transmettent la vitalité, ce qui est pas faux hein, d'ailleurs, hein, quand on mange. Et puis vous parlez aussi de l'Afrique, avec le repas où on mange tous dans le même plat, avec les mains. C'est une façon aussi d'échanger, il y a quelque chose d'à la fois universel et singulier dans la cuisine. Et la cuisine, c'est du lien social. Hein. Il faut d'abord, c'est la confiance ne se voit pas. Vous pouvez pas écrire sur un morceau de papier que vous devez me faire confiance ou que je dois vous faire confiance. Donc le fait de manger, de partager des repas fait que cette confiance se crée. Donc c'est plus fort que tout en termes de lien social et ça vous fait effectivement rencontrer l'autre et accepter aussi que l'autre soit différent. Mmh. Pourquoi il fait Shabbat, pourquoi il fait un Ramadan, pourquoi il fait un jeûne, etc., etc. Et ça vous permet de mieux le comprendre parce que finalement, vous dites, c'est pas aussi extraordinaire que ça, il n'est pas aussi différent de moi. Ouais. Comment s'est faite votre initiation au goût à vous ? On a compris qu'on vous avait fait manger beaucoup de viande, que vous n'aimiez pas forcément ça, mais dans votre enfance, il y a des moments où vous avez savouré. Pas vraiment dans ma petite enfance, j'ai des souvenirs de partage de table, mais c'est le goût du pain qui m'a beaucoup influencé, notamment j'avais un voisin boulanger extraordinaire au 140 rue Millemontant. Et c'est vrai que ce goût du pain, ce goût avec peu de choses, finalement, de l'eau, de la farine et du sel, d'arriver à faire un produit aussi merveilleux. Donc j'ai des souvenirs de pain et de tartines absolument délicieuses. Et puis après, le goût, je l'ai travaillé un petit peu différemment. Je suis rentré dans des standards. Et puis après, j'ai vraiment appris à déguster. Si on vous avait dit à ce moment-là qu'un jour, vous régaleriez un astronaute dans l'espace ? Bonjour à tous depuis la Station Spatiale Internationale. C'est pas le Père Noël qui vous parle. Je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Aujourd'hui, alors que les fêtes de Noël approchent, nous, on a évidemment un dîner qu'on va partager tous ensemble. En entrée, on aura de la langue de bœuf façon Lucullus qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef français. Donc c'est un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Ensuite, en plat de résistance, du poulet au vin jaune et au mori, traditionnel du Jura, qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser à ma famille une fois que je le dégusterai ici dans l'ISS et que je le partagerai avec mes collègues. Enfin, en dessert, du pain d'épices aux pommes. Joyeuse fête à tous. Thierry Marx, vous pouvez vous targuer d'être un chef cuisinier interplanétaire. Comment s'est passée cette collaboration avec l'Agence spatiale européenne et la NASA? Mais merveilleuse, parce que d'abord Thomas est un judoka formidable. On s'est rencontré un peu par l'univers judo. Et puis effectivement, on a eu la chance de préparer ces plats. Alors des plats, comme il l'a évoqué, il a une connaissance de la gastronomie française quand même assez développée. Langue de veau à la Lucullus, qui est un plat du 19e siècle en gros. La poularde au vin jaune, qui était ses racines familiales. Et le pain d'épices aux pommes rôties, plutôt un dessert d'enfance. Mais Thomas tenait à ne pas avoir d'intrants chimiques, d'avoir une vraie bonne cuisine. Donc on s'est attaché à ça. Et puis on a eu la chance de suivre Thomas, pas dans l'espace bien sûr, mais d'avoir ses feedbacks. Et il nous a fait considérablement évoluer sur la prise de conscience qu'une planète, il n'y en a qu'une, que 2050, c'était demain, que le stress hydrique allait être là, qu'il fallait repenser notre modèle agricole, repenser notre modèle de gastronomie, l'améliorer, le contingenter un petit peu différemment. Et c'est vrai que c'était une collaboration merveilleuse. Et on se croise encore. Et puis il a ajouté une chose qui était intéressante, c'est on a gardé de ces éléments de langage. Il disait, vous savez, attention de ne pas produire trop de déchets. Ouais. Et nous, on a ouvert un département à Orsay pour travailler justement pour arrêter de parler de déchets, mais plutôt de parler de coproduits, comment on recycle les choses. Et ça, c'est venu de cette réflexion et de cette collaboration avec l'ISS. Alors ça, c'est avec un chercheur, hein, Raphaël Aumont. Vous êtes en train d'inventer la cuisine du futur, mais pas la cuisine du futur futuriste, les petites pilules qui nourrissent. Vous êtes en train d'imaginer une cuisine différente, mais finalement plus saine. Bien sûr, plus saine, différente, et en même temps, on va avoir une planète avec 9,7 milliards d'individus. 2050, c'est 30 ans. C'est rien. C'est à peine un petit business model de l'agriculture. Quand vous voulez créer un business model dans l'agriculture, c'est des business models à 10, 15, 20 ans. Donc vous voyez, il faut s'y prendre maintenant. Quand on parlait de flexitarien tout à l'heure, de diminuer un peu nos besoins en protéines animales, eh bien ça ne veut pas dire qu'on va bouleverser, révolutionner la gastronomie, mais changer nos modes de consommation, parce qu'à force d'avoir trop consommé, on s'est consumé et on consomme cette planète. Et toute la réflexion qu'on a eue avec l'ISS et Thomas Pesquet et d'autres astronautes, bien sûr, Jean-François Clairvoyt et d'autres, eh bien, ça a été de Claudie Aigneret aussi, on en a beaucoup parlé, eh bien, de réfléchir à nos modes de consommation, tout simplement, redonner du sens à l'action de manger et de se restaurer. Quand on se restaure, c'est pour être dans de meilleures conditions. Quand on restaure un meuble, c'est pour qu'il soit plus beau. Quand on se restaure, c'est pour être mieux dans sa vie, et c'est pas pour s'abîmer, au contraire. Donc, revenir à des choses qui ont du sens. Merci Thierry Marx. Je rappelle le titre du livre pour les enfants que nous avons cité dans cette émission, Quand ça va, quand ça va pas, leur alimentation expliquée aux enfants, aux éditions Glénat Jeunesse. Merci à vous, restez avec nous s'il vous plaît, parce que dans un instant nous allons tenter de prendre des nouvelles du plongeur Laurent Balesta et de ses trois collègues plongeurs qui depuis maintenant 18 jours sont enfermés dans leur station sous-marine dans les profondeurs de la mer Méditerranée pour explorer les fonds sous-marins. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, pas les te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, pas les te faire en où je serai poli pour la télé, mais va te faire en peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter, pas les te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, pas les te faire en moi je serai poli pour la télé. C'était Balance ton quoi, Angèle sur France Inter dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Djoubaka. Et à 17h52, nous allons tenter l'aventure en direct. Depuis le 1er juillet, Laurent Balesta et trois autres collègues plongeurs sont enfermés dans leur station sous-marine au fond de la mer Méditerranée. Ils en sortent pour faire de longues plongées, mais ils ne sont encore jamais remontés à la surface. Nous avions pris de leurs nouvelles il y a 2 semaines. Nous allons voir comment ça se passe après 18 jours d'exploration. Allô. Sur France Inter. Vous pouvez patienter un petit moment? Oui, mais c'est le satellite qui m'attend. Eh oui, c'est le satellite, bien sûr. L'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour Laurent Balesta. Bonjour Daniel. Ah là là, la voix est toujours aussi lointaine. Alors avant toute chose, comment allez-vous? Oh ben, on va de mieux en mieux pour ce qui est des sorties. Ça se passe de mieux en mieux, même si ce froid est vraiment dur à gérer, mais les sorties sont de plus en plus, on voit plus que le bon côté des sorties. Voilà, quant à la vie à l'intérieur, évidemment qu'on aimerait aussi profiter des couchers de soleil sur la Méditerranée. Ouais. Mais voilà, ce sont de petites contraintes par rapport aux grands privilèges qu'on a. C'est ça, vous avez l'air, la voix a l'air sereine, même si elle est un peu déformée par les filtres. On rappelle que vous êtes dans une atmosphère chargée d'hélium, donc vous avez une voix encore plus aiguë que ce qu'on entend là. Mais vous êtes dans ces quelques mètres cubes à 4 et finalement, vous avez l'air de vous supporter. Oui, on se supporte parce que de toute façon, on se connaît depuis très longtemps. Et voilà, donc on connaît nos défauts, nos travers, et il n'y a pas trop de surprises. Voilà. Et ça se passe. Évidemment que je serais content de sortir aussi. Hein. Ouais. Alors... Mais là, pour l'instant, on profite pleinement. Avant-hier, on s'est baladé pas moins de 6 heures en tout dans la journée, à plus de 120 mètres de profondeur. Et j'aurais jamais cru que je pourrais comme flâner à de telles profondeurs. Chaque fois que je suis descendu à grande profondeur, ça a toujours été des incursions, des courses contre la montre, où on fait attention à tout, on est quand même un petit peu obligé de se regarder soi-même, alors que le comble, c'est qu'on va pour observer ce qui se passe. Alors que là, enfin, on peut un petit peu s'oublier, un petit peu, et puis on peut regarder ce qu'il y a autour de nous, faire des images que j'avais jamais même espéré faire des images pareilles, et des manips scientifiques qui vraiment ravissent les chercheurs en surface. Quand on leur ramène leurs échantillons. Oui, alors Laurent Balesta, je rappelle que l'intérêt de rester dans cette station sous-marine, c'est que vous n'avez pas à remonter pour les paliers de décompression, ce qui explique que vous puissiez faire ces plongées aussi longues. Et donc là, vous êtes en train de battre des records. Hein. Vous avez fait 6 heures à 142 mètres de profondeur. Ça permet de faire tous les relevés dont vous nous parlez. Est-ce que vous êtes allé dans des zones sous-marines inconnues aujourd'hui? Oui, on est allé par exemple tout simplement encore aujourd'hui, on était dans... Alors, il y a des petits soucis là, ça tape à l'extérieur. Oui, il y a un requin qui frappe à la porte, qu'est-ce qui se passe exactement? On est en train de réparer une fuite, pour tout vous dire, on avait une petite fuite ce matin, une fuite, c'est vital pour nous. D'accord. Et là, je sens qu'ils sont en train de bosser sur cette réparation. Désolé pour le bruit. Ah bah écoutez, non, on avait dit que c'était l'aventure en direct, comme ça on y est, on triche pas. Mais continuez à nous raconter. Quand on est sous pression, ça. Bref. Mais non, tout ça pour dire, oui, il y a deux jours, on était, et encore ce matin, on s'est baladé à plus de 110 mètres de profondeur entre le Cap Lardier et le Cap Taïa. Ce sont cette péninsule avec trois caps qui encercle Saint-Tropez et encercle Saint-Tropez et Cavalaire. Et c'est un mur gigantesque sur plus d'un kilomètre de long et qui semble partir dans les abysses. Sous nos palmes, c'était le noir des abysses. Et pour autant, au-dessus, on avait cette lumière qui arrivait de la surface. J'ai rarement eu, et peut-être même c'est la première fois que j'ai des visibilités sous l'eau aussi grandes. C'est ça tout le paradoxe de ces plongées profondes. La lumière est faible, bien entendu, mais la visibilité, elle, est immense. Alors on peut voir son camarade à plus de 80 mètres de soi, tout petit, au loin. C'est vraiment une atmosphère différente. D'ailleurs, on commence à utiliser des fois du vocabulaire un peu spatial. Ah oui. Parce que c'est plus des plongées que l'on fait, c'est des sorties. Ouais. Vous voyez, la sortie du cosmonaute, il n'y a que les cosmonautes qui ont cet art d'utiliser des mots simples pour dire des choses extraordinairement compliquées. Merci Laurent. Spatial, ils appellent ça une sortie. Alors nous aussi, on s'est dit qu'ils n'avaient pas le monopole de l'euphémisme. On appelle plus ça des plongées, mais des sorties. Merci Laurent Balesta. On peut vous suivre, l'expédition Gombessa 5, sur votre page Facebook. Merci et bon courage. Il vous reste encore quelques jours à tenir. Debout, vite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare. Demain, nous partirons à la découverte des îles Prison.